On se doute assez que Madame de Morescan fut d'abord pour les hôtes du château et pour les voisins de campagne l'objet d'une extrême curiosité. Il était impossible de ne pas observer, avec une attention très particulière, la physionomie et le maintien d'une jeune femme dont le nom venait d'être mêlé à une aventure tragique de tant de mystères et de tant d'éclats. Les curieux en furent pour leurs frais. L'attitude de Jeanne était tranquille et naturelle, et à moins de lui supposer une étonnante profondeur de dissimulation, qu'il n'est jamais téméraire, il est vrai, de supposer à son sexe, il y avait tout lieu de penser qu'elle avait définitivement pris son parti des chagrins et des désagréments personnels qui lui avaient été si récemment infligés. On trouva même, ainsi que nous l'avons dit, qu'elle portait avec un peu trop d'aisance le deuil d'un homme mort pour elle, et qui avait été tout au moins son ami. « Cela n'est vraiment pas encourageant, » dit un jour le beau Saville à Madame d'Hermagny. « Si ce pauvre Delerne revenait au monde pour quelques minutes, il serait diablement étonné. »« Pourquoi ça, mon ami ?»« Parce que, ma parole, c'est révoltant, » dit le beau Saville, qui n'était pas un aigle, mais qui avait bon cœur. On dirait que la mort de ce pauvre garçon a été un débarras pour elle. Jamais je ne l'ai vue si en train, si en l'air, si émoustillée. Faites-vous donc tuer pour ces dames. Mais, mon ami, personne ne songe à vous faire tuer, rassurez-vous. Et quant à mon amie Jeanne, c'est une personne qu'il ne faut pas juger à la légère. Je ne sais pas du tout ce qui se passe dans sa jolie tête, mais il y a dans sa prunelle quelque chose qui ne me plairait pas beaucoup si j'étais son mari. « Je ne vois rien du tout dans sa prunelle, moi, » dit Saville. « Naturellement, » dit Madame d'Hermagny.